Et bonsoir. Bonsoir. Voilà, bonsoir et bienvenue à l'émission Comme une ouragan, l'émission féministe une mardi sur deux sur Radio Audio à 21h. Et on a décidé cette fois de faire une émission d'actualité diverse anticarcérale. On a rassemblé plein des infos sur des restrictions suivies de Covid dans la Talo, entre autres, des révoltes et des témoignages de l'année passée, aussi à Marseille, à Beaumette, et voilà, plein de petits montages. Et on va commencer de vous raconter ce qui s'est passé ici à Saint-Étienne, à la Talo. Et on va vous lire un texte d'une camarade qui raconte la situation. Voilà, et pour nous, c'était hyper important de... Enfin voilà, on avait vraiment envie de faire cette émission pour faire sortir un petit peu ce qui se passe derrière les murs des prisons, parce que les prisons, c'est aussi pensé pour fabriquer du silence et qu'il n'y ait rien qui en sorte. Du coup, faut surtout pas hésiter à... Enfin même, voilà quoi, faut que ça sorte ce qui se passe dedans, les témoignages. Du coup, cette émission, elle est diffusable, vous pouvez en prendre des bouts, les rediffuser, etc. Et puis raconter ce qui se passe dedans. Carrément. Et puis, merci à toutes les personnes là, qui ont pris le temps de témoigner, qui ont envoyé des montages, tout ça. Et aussi, solidarité avec toutes les prisonnières et les prisonniers, et puis contre toutes les prisons. Ouais, voilà. Et on commence alors avec les textes qui nous racontent la réalité, en fait, à Saint-Étienne, dans la Talo. Alors, du coup, je commence la lecture du texte. Avec un an de Covid, c'est quoi les restrictions, les répressions qu'il y a eu? Les trucs temporaires et les trucs qui ont pu rester. L'année dernière, au moment où le confinement a été mis en place dehors, les prisons ont été mises sous cloche. Pendant 2 mois, les détenus ont été confinés en cellules, toutes les activités ont été stoppées et les parloirs supprimés. Selon les situations des détenus, certains ont été confinés à 1, 2, voire plus dans des cellules, et les seuls moments où ils pouvaient en sortir étaient pendant les promenades, généralement 1h le matin, 1h l'après-midi. Certains, ayant peur d'être contaminés, ne sortaient plus du tout. Donc si on se rappelle les difficultés qu'ont eu beaucoup de gens en étant confinés plutôt confortablement chez eux, on peut un tout petit peu imaginer l'horreur d'être 22h sur 24 dans une petite cellule qu'on est obligé de partager avec une personne non choisie, dans l'univers hostile de la prison. Dehors, il y a eu une grosse campagne concernant les gestes barrières, les mesures sanitaires. Tout ceci était inexistant en prison. En plus, l'annulation des parloirs était difficile à vivre. Par exemple, pour les gens qui n'avaient pas eu d'autorisation de téléphoner, étant donné que les courriers étaient très ralentis, on pouvait rester 3 semaines sans nouvelles de son proche, dans un contexte très anxiogène. Des proches de détenus avaient fait une lettre commune, signée par 150 personnes, pour interpeller le ministre de la Justice sur la situation. On peut retrouver ça sur France Bleu et sur des articles de Mediapart. Cette période a été très difficilement vécue, et il y a eu des révoltes et mutineries dans de nombreuses prisons. Il y a eu des infos qui ont circulé dans les réseaux sociaux où des détenus parlaient des conditions désastreuses dans lesquelles ils se retrouvaient, abandonnés de tout le monde. À cette période, les médias n'ont jamais parlé de prison, à part pour parler des mutineries. Il y avait de très bonnes raisons pour les détenus de se révolter, et aujourd'hui, certains sont condamnés en justice à des années supplémentaires pour cette raison. Et les pseudo-libérations massives, c'était surtout de la poudre aux yeux. Le ministre l'a admis récemment. Les personnes qui ont été libérées étaient en fin de peine et auraient été dehors à la fin du confinement de toute manière. Ensuite, le confinement a été levé, au dehors. La vie a repris comme avant, mais pas en prison et pas à la Talo. Au niveau des intervenants extérieurs, certaines n'ont jamais repris. Les paloirs ont repris, mais derrière des vitres en plexiglas. Il n'a plus été possible de réserver les paloirs par les bornes, mais seulement par un service de réservation téléphonique qui est ingéniable et fonctionne assez mal, ce qui a occasionné pas mal de problèmes pour les prises de rendez-vous. Les personnes qui n'avaient pas de permis de visite ne pouvaient pas amener de linge jusqu'en juillet, ce qui fait que certains détenus n'ont pas eu de linge entre le mois de mars et le mois de juillet. Les différences énormes entre les mesures prises à l'extérieur et à l'intérieur étaient et sont toujours choquantes. Vous trouvez aussi un texte qui revient sur ça sur numéro 0. D'autant plus que, alors que nous sommes toujours séparés par une vitre lors des parloirs, l'été dernier, une majorité de surveillants ne portaient même pas des masques. Dans ces cas, on a vraiment l'impression qu'on se fout de nous, et que les séparations au parloir sont seulement des mesures punitives et pas sanitaires. Il y avait eu également des articles dans la presse à ce sujet. Vous trouvez ça aussi sur France Bleu et Les Progrès. C'est d'autant plus vrai qu'on sait que les détenus ont toujours des problèmes pour être soignés correctement quand ils sont incarcérés. Il y a quelques témoignages de la Talo concernant les difficultés d'accès à des soins corrects. C'est trouvable sur Facebook. Récemment, une personne a également organisé des mobilisations car son frère, incarcéré à la Talaudière, ayant de très graves problèmes de santé, n'est pas soigné correctement. Donc les détenus sont mal soignés. En plus de ça, la prison est insalubre et surpeuplée. Tout d'abord, elle a été condamnée en justice pour ses conditions de détention indignes. Depuis cette condamnation, il n'y a pas eu de réel changement. Les gros travaux qui ont eu lieu dernièrement sont des travaux pour renforcer le mur d'enceinte, pour faire plaisir aux voisins qui se plaignent de nuisances sonores et empêcher les projections régulières. Mais l'installation des douches en cellule, par exemple, ce n'est pas la priorité de la direction et ça passera dans un deuxième temps. Actuellement, beaucoup de détenus sont incarcérés dans des conditions sordides. Un détenu sortant de la Talo en avait témoigné l'été dernier en période de canicule. Ça, vous trouvez aussi sur le numéro 0. En fait, ça va maintenant faire un an que les contacts physiques sont interdits entre les détenus et leurs proches, qu'il y a toujours un dispositif de séparation au parloir. Quand on sait que la prison est insalubre, qu'il n'y a pas de soins réels, que les détenus malades sont seulement isolés des autres, l'injustice de cette mesure est encore plus évidente. Concernant des centres de détention ou des maisons centrales, pour des peines plus longues, les proches viennent parfois de beaucoup plus loin, alors que les parloirs ont été réduits, et les UVF, les unités de vie familiale, supprimées. Il y a beaucoup de frustration et de colère. Aujourd'hui, il n'est pas question de la date où ils enlèveront les séparations au parloir. Certains ont fait des recours en justice car ils ne pouvaient pas s'entendre avec les vitres et le brouhaha ambiant. Mais la justice a ordonné dans un cas de remplacer les vitres par un grillage, dans un autre, de faire de minuscules trous dans le plexiglas. À Saint-Étienne, la maison d'accueil des familles est fermée depuis des mois. Les personnes qui font beaucoup de route pour venir au parloir pouvaient en profiter pour se poser un peu, s'abriter quand il fait froid, utiliser les toilettes. C'est plus possible. Les parloirs relais, pour les enfants qui sont accompagnés par une asso pour voir leurs parents incarcérés dans un contexte plus chaleureux que les boxes sordides, sont supprimés. De toute façon, certains enfants n'ont pas vu leurs parents incarcérés depuis le début du Covid, car les conditions de visite sont trop compliquées et dures à accepter. C'est quoi l'actualité à la Talaudière à ce moment? Pas beaucoup, la routine. Des détenus qui travaillent pour une rémunération des misères à conditionner des ampoules, des roulements, des boulons, des fuites d'eau dans les ateliers, des douches collectives dégueulasses. La bibliothèque est toujours fermée. Des proches qui prennent des rendez-vous et qui se font refuser l'entrée au parloir parce qu'on leur dit que le rendez-vous n'a pas été enregistré. Des proches qui amènent des vêtements qui sont refusés par les surveillantes sous des prétextes balourds, des affaires qui disparaissent. Il va y avoir un étage qui va être refait, donc vide pendant la durée des travaux, et des détenus vont se retrouver à 3 pas cellules. Il y a aussi une info qui est parue comme quoi certaines détenues contaminées à des longues peines attendaient leur transfert depuis des années. Certaines ont été transférées, d'autres non. En fait, tout est ralenti. La Talo est toujours surpeuplée, mais les personnes proches de la fin de leur peine ne sont pas nécessairement libérées plus rapidement en aménagement. Et il y a toujours des détenus qui rentrent pour des petites peines. Et le virus à l'intérieur, c'est quoi les mesures sanitaires? C'est une bonne question. Il n'y a pas de mesures. Le gel hydroalcoolique est interdit. Par exemple, dans les endroits où les douches sont collectives, il ne faut pas croire que les douches sont désinfectées après chaque passage. C'est une totale hypocrisie. Le linge, par exemple, venant des proches, est mis de côté pendant 24 heures avant d'être donné aux détenus. Dans certaines prisons, c'est toujours interdit d'ailleurs. Mais les surveillants touchent les détenus pour les fouiller. Ils vont et ils viennent entre l'intérieur et l'extérieur tous les jours. La promiscuité est imposée aux détenus. En ce moment, on parle d'un énorme cluster à Tours. La seule gestion, c'est isoler les détenus. En fait, ils ont juste utilisé la crise sanitaire pour mettre en place des mesures sécuritaires et restrictives, qui les arrangent bien, et qu'ils justifient de cette manière, parce que c'est l'argument qui clôt tous les débats. Et qu'est-ce qu'il y a en solidarité à faire ? Il y a par exemple pas mal de personnes qui galèrent avec les trajets jusqu'à la maison d'arrêt. Arriver à mettre en place un réseau de covoiturage pour les Palois, et surtout le faire connaître, pourrait rendre service à pas mal de gens. C'est pas mal de s'informer par exemple via la page Facebook Info Prison sur Saint-Étienne ou d'autres initiatives d'infos sur les réseaux sociaux ou alors via des collectifs anticarcéraux. Il devrait aussi y avoir des mobilisations par rapport aux prisons prochainement, les infos s'y cureront. Il y a aussi une asso, IDIR Espoir et Solidarité, qui a été créée suite à la mort suspecte d'un détenu IDIR au mitard de Corba le 9 septembre dernier. Ce n'est pas loin d'ici, ils ont besoin de soutien. Ça vaut le coup de suivre leurs infos. Ils se mobilisent pour savoir ce qui est réellement arrivé à Idir et Radil Mitar, quartiers disciplinaires qui sont des véritables couloirs de la mort, lieux privilégiés de violence contre les détenus et de morts suspectes en détention. Que pouvons-nous faire contre les Mitar ici? Ça a inventé, la question appartient à tout le monde. Et puis, il y a beaucoup de violences pénitentiaires dans les prisons. On parle aujourd'hui de violences policières, et c'est bien. Il faut se rendre compte que le phénomène de violences pénitentiaires est certainement encore plus important qu'à complètement cacher. Et puis, beaucoup de gens s'en moquent, car ça concerne les détenus, comme si ce n'était plus des humains. À la Talaudière, aussi, les violences existent, évidemment. Mais comme partout ailleurs, les détenus à qui c'est arrivé ont peur de parler, car ensuite, ils auront des représailles. Ils savent aussi que porter plainte contre un surveillant, en général, ça n'aboutit pas. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Bon, alors, comme c'était aussi dit déjà dans le texte, qu'il ne faut pas arrêter de chercher des informations, de regarder sur les réseaux sociaux, et surtout pas rester muette, quoi. Et bon, nous, on va s'écouter une petite musique. C'est Rature, une rappeuse de Rennes. De Nantes. De Nantes. Une rappeuse de Nantes. Et voilà, on va s'écouter cet petit morceau. Ramasser les miettes, ravaler ses larmes, ne pas baisser les bras. Je lève la tête, je reprends les armes et je continue le combat. Encore combien de sœurs à tomber sous leur coupe? Tends de la main pour quelques piécettes, elle te plaît cette gamine. Son corps frêle et ses rêves minés, ce n'est pas un chagrin, mais bien un grain de folie qui l'a poussé à tout foutre en l'air, du foutre au creux des molaires. C'est à la face qu'elle te crache ce mot-là. Pas envie de nager dans des millions, disons que ce serait déjà pas mal d'avoir un salaire. Sauf qu'elle voit les choses en grand, la petite s'énerve la titi. Avec un beat, elle a appris à canaliser sa haine, analyser la plèbe. Bloque sa douceur pour pas qu'on la croie faible. Pas prête à laisser une place sur la branche de l'aigle. Tenter de la séduire, ce serait se manger un mur. On dit qu'elle aime les durs, la faiblesse la fera fuir. Sauf qu'à trop jouer avec le feu, c'est aux urgences qu'elle risque de finir. Ça ne l'a pas tué, mais qu'est-ce qu'il en reste? Un embryon dans la poubelle, la clinique, la parano qui nique ses sens. Que ce soit son bonhomme, un maton ou un keuf, y'a rien de neuf. Elle continuera à vivre dans la peur. La vie garde ce putain de goût d'aigreur. Un joint, une injection, une seringue sur la table. Faux joie, dépression, devenir dingue et détestable. Les pupilles dilatées, et puis ça part en couille. Elle a tout raté, et leur monde du fou la trouille. Ils lui ont dit, il faut que tu sois forte, petite Cady. Il faut que tu t'en sortes, les pieds enchaînés au ciment. Trahis par les sentiments, ses rêves sont immenses. Elle traîne au pied des bâtiments. Le lycée qui la harcelait, petite Cady à cœur glacé. On lui a dit, ton avenir est tracé, tu crèveras avec les bracelets. Elle a parcouru sa route, dans ce putain de train qui déraille. Sa jeunesse connaît des doutes, en allant sniffer quelques rails. Dans sa tête, ça s'en mêle, au fil des semaines, son cœur s'en mêle, ça cause problème. Elle courait après l'espoir, elle s'est bousillée les semelles. Entend le son des sirènes, augmente donc les décibels. C'est la batte qui fait son règne, la mélodie n'est plus si belle. Ramasser les miettes, ravaler ses larmes, ne pas baisser les bras. Je lève la tête, je reprends les armes et je continue le combat. Encore combien de sœurs à tomber sous leurs coups, lunettes de soleil, histoire qu'ils ne tiennent pas debout. Tu leur parles d'un mec, ils disent que c'est leur cousine. Mais s'ils voyaient le monstre qui sommeille en lui, ils le traiteraient avec dégoût. Ne t'étonne pas si je dégoupille, pas s'attarder sur le passé. Je suis mignonne, je suis gentille, mais faut pas trop me déclasser. Wouh, bah merci Rature pour ce son. Et puis du coup vous êtes toujours sur Comme un ouragan, là où on fait une émission pour raconter un petit peu ce qui se passe à l'intérieur des tôles. On a écouté là la lecture du texte qui raconte ce qui se passe à la Talaudière juste à côté de Saint-Étienne ces derniers temps. Et là on vous propose d'écouter un montage qui est sorti depuis l'émission Parloir Libre, qui est du coup une émission sur Radio Galère à Marseille. Et du coup Parloir Libre là, c'était du coup une émission de fin décembre de cette année, et du coup l'émission était faite en direct avec des prisonnières de la maison d'arrêt pour femmes des Baumettes, du coup la tôle juste à côté de Marseille. Du coup on va écouter les prisonnières qui racontent un petit peu là leur situation, qui témoignent et qui racontent un petit peu comment est-ce qu'elle s'organise à l'intérieur pour tenir le coup et puis pour lutter ensemble. Pour donner le contexte, ça a été une année au Baumettes aussi d'augmentation des violences, des humiliations, des restrictions, de privation encore plus de pas mal de liberté. Et aussi ce qui s'est passé, et on entendra dans les témoignages, c'est que en novembre il y a eu deux gros trucs graves qui se sont passés. C'est que déjà il y a eu une intervention super vénère des ERIS, en gros des agents pénitentiaires cagoulés, équipés, qui ont fait une fouille surprise, qui ont obligé plein de prisonnières à se mettre à nu. Et comme il y a eu de la résistance, il y en a plein qui se sont retrouvés au cachot. Du coup on les entendra raconter un petit peu ça. Et en plus de ça, comme la personne racontait là par rapport à la Talaudière, à côté des Baumettes, il y a eu un comité de riverains qui s'est plaint des nuisances liées à la prison. Et l'administration, en réponse à ça, a mis des fenêtres anti-bruit contre les cellules. Du coup, faut imaginer que ces fenêtres-là, elles empêchent un bon système d'aération, que ça soit pour la circulation des odeurs et puis juste de l'air en fait. Et en plus, elles rajoutent un surplus de privation des petites libertés que les prisonnières pouvaient avoir, de pouvoir communiquer à travers les cellules des petits mots, faire passer de la nourriture ou voire même arriver un petit peu à communiquer avec l'extérieur. Avec les gens dehors, voilà, à cause de ces fenêtres là c'est devenu vachement plus compliqué. Et en plus de ça aussi, bah il y a eu comme à la Talo, la restriction des parloirs, la fermeture des unités de vie familiale, qui donnaient quand même des conditions d'accès un petit peu moins sordides que les parloirs pour se retrouver. Voilà, du coup ça c'est le contexte, et du coup c'était sur Parloir Libre de fin décembre, et on a fait un petit montage. Et aussi pour resituer le contexte, c'est que sur le plateau, on entend aussi, il y avait des invités à Parloir Libre qui sont les rappeuses de Bande Organisée version féminine. Voilà. Et bah bonne écoute. Le lancement du son. Bon les filles, au cachot, oh, réveillez-vous. J'espère que vous faites pas une dépression ou quoi que ce soit, hein. Le mental, force. Vous êtes défaillantes, vous représentez les murs de la prison. Voilà, moi je sais que vous êtes des petits soldats. Je fais de gros gros gros bisous. De gros gros gros bisous, tu es une grosse défaillante. Chérine, écoute, force à toi. Et les filles, je vous embrasse tous. Et sachez qu'on va pas se laisser faire par rapport à ce qui se passe. Et les fouilles avec qui sont pas normales, quoi, inhumaines, avec la force et tout ça. Voilà, on va pas laisser ça passer ça. Et la chef, elle va sauter vite fait. Elle va plus rester dans cette prison, elle va partir. Voilà. Et s'il y a des SS qui m'écoutent, ben écoutez, je vous emmerde. Et c'est Marseille bébé. Dans la cour de promenade, c'est Marseille bébé. Merci. Voilà. Merci, et la zone. On vous embrasse fort, fort, fort. Et on est là, on lâche pas le morceau. On est toujours là, quoi qu'il arrive, parce que 50 000 fouilles, c'est la même chose. Voilà, on est belles. Merci. Yes, merci. Coucou mon bébé, tape si tu m'entends. Je t'entends super bien. Oui. Bon, j'aimerais faire des gros bisous à ma petite puce, Nino, c'est Chai. Je sais que c'est dur pour elle. Et voilà, faire des gros bisous à toute la MAF et encourager toutes les filles à rester fortes et à ne pas se laisser aller par rapport à tout ce qui se passe. Et même si certaines ne l'ont pas subi encore, on est tous à l'intérieur et c'est susceptible de nous arriver à tous, que vous avez tous vu que on soit agité ou pas agité, eh ben ça arrive à n'importe quelle personne. Et tout le monde est fouillé au jour d'aujourd'hui. Je comprends pas que en 2020 ça se passe encore de cette manière-là, que ça utilise la force parce que je sais pas, la chef elle a un égo surdimensionné et parce que on nous ordonne de obéir ou qu'on nous parle comme des animaux. Et enfin, les personnes qui ont peur, je respecte le fait qu'ils parlent pas ou quoi que ce soit, mais je vous dis, tapez à une fenêtre, à la plaque de fer qui coupe votre respiration toute la journée, où votre oxygène elle se renouvelle pas, ou quand vous faites à manger ou vous faites pas à manger à cause de cette plaque de fer, la moitié de votre cerveau elle est paralysée parce que l'oxygène elle se renouvelle pas, en manque d'énergie, vous faites rien dans la cellule, vous chiez dans la cellule, ça sort pas, vous vous douchez, ça sort pas. Tapez dessus, ne c'est rien du tout. Enfin, insulter les surveillantes, ça sert à rien. On va avoir 3 mois en plus et ne pas sortir. Au jour d'aujourd'hui, eh ben, on veut que Dupond-Moretti vienne nous voir. Il vient voir comment on vit ici et comment ils nous coupent l'envie de vivre. Parce que la moitié des gens ici ils sont déphasés. Tout le monde a envie de mourir. C'est un grand mot, mais tout le monde a envie de mourir par rapport à la manière dont on est traité. Et voilà, enfin, j'aimerais dire que voilà, les filles qui ont été touchées là, ces quelques jours, ou à qui on a écarté les fesses, écrivez. Parce que si on n'écrit pas, ben ça avance pas, faut faire de leur manière aussi. Et à 6h du matin, tapons. À midi, tapons. Et à 22h, tapons. Il y en a une qui est au cachot, là. Elle était énervée le soir, elle a pété un câble, oui, elle a cassé des trucs dans sa cellule, ça lui appartient. Le matin, cette chef que je vous parle, elle est venue, elle lui a crié dessus comme un chien, elle lui a dit de balayer ses bouts de terre qui étaient dans sa cellule. La petite, elle est partie prendre la balayette pour balayer son truc. La chef, avec son égo, elle est partie, elle a poussé au sol, la petite. Puis après, ils sont mis sur elle, ils l'ont frappée, ils l'ont maîtrisé et ramené au cachot en petite culotte, soutien gorge. Elle y est pour rien, là. Elle qui était avant, c'est parce qu'elle a voulu être, elle a pas voulu être fouillée. Ils lui ont écarté les fesses, ils l'ont traîné, ils l'ont secoué de partout. Je sais pas s'ils l'ont frappé, je vais pas dire rajouter ce qui, je ne sais pas. Mais voilà. Ils t'ont frappé. Ouais, ils l'ont frappé, elle vient de le dire. Ok. Et je dis, enfin, soyons tous solidaires, même elles qui ont peur. C'est moi, je vais prendre le maximum, vous n'allez rien prendre. Alors s'il vous plaît, soutenez-nous, tapons. Et à 6h du matin, midi, 22h, désolé pour les personnes âgées qui dorment, etc., mais il faut faire quelque chose. Fou broliqué, capuché, ouais, tout s'en bat ton bloc. Le frérot énervé, ouais, fait des gestes avec son glock. Oh mes sœurs, oui, j'ai peur que tout ça peut mal finir. Première place au fait divers et le quartier, ils veulent le détruire. Instantané, y'a un coup qui est parti. L'autre est fané, pense à l'autrice. De bon matin, oui, c'est visite surprise. Un coup de menottes et tu passes aux assises. Bonsoir, tu es en direct. Oui, donc voilà, je voulais dire à la personne qui s'est exprimée tout à l'heure sur tout ce qui se passe en détention, je suis tout à fait d'accord avec elle. Ouais. T'as du courage et je te soutiens, même si je me tais parce que j'ai des enfants, t'as vu. Mais je sais que dehors, je mènerai le combat parce que déjà ma mère, elle est morte à Perpignan. Elle est morte à la prison, j'ai déjà un combat là-bas à mener. Mais je mènerai les combats pour les filles qui resteront encore ici, après moi. Donc dès que je sors, je m'engage à... Voilà. Parce que si on fait la misère maintenant, ils vont nous garder. Et en plus, ils vont nous faire sortie sèche. Donc juste pour mes enfants, je ne peux pas me permettre ça. Donc c'est vrai que ça fait un an et demi que je suis ici. Il y a eu des personnes qui m'ont soutenu. Malheureusement, il y a des filles, ils balancent. Du coup, à cause d'elles, on reste plus longtemps. On prend des CRI et tout. Il y en a ici, ils n'ont pas de... Désolé de dire ça, mais ils n'ont pas de cœur. Mais les filles, battez-vous, continuez. Yes. Et moi dehors, je m'engage à mener le combat contre la contre les baumettes pour tout ce que j'aurais vécu. Parce que ce qu'ils font à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment dégueulasse. Moi, les filles du cachot, je les comprends parce qu'ils m'auraient fait ça. J'aurais réagi de la même façon. Moi, c'est ma femme Laura qui me permet de tenir depuis un an et demi ici. Parce que j'ai eu souvent envie de me transférer de prison, parce que voilà, je suis à 5 ans de prison bientôt. Donc les filles, je vous embrasse. Mon bébé Laura, je t'aime, il me tarde demain après-midi. Donc les filles, pour toutes les filles, sauf les balances qui nous foutent des CRI à cause d'elles et qui racontent n'importe quoi. Voilà, je voulais faire une dédicace et envoyer banlieue 13, bande organisée Marseille 13. Merci. Voilà, et faire un bisou à Sachou, Léa et... Ben écoute, on est là, on t'entend. Les filles de bande organisée, on est là et actuellement sur le plateau, on t'entend. Là, c'est Taïla qui te parle et franchement, grosse force à toi. Gros big up aux meufs qui dénoncent ce qui se passe dans la MAF et qui arrivent pas à rester calmes. Merci d'avoir le courage de raconter. Du courage à vous, c'est clair. Gros big up. Big up. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, tu as direct. J'appelle pour faire une dédicace pour ici, franchement. Jaina, écoute, j'espère que voilà, tu es pas jeune. Que tu avais pu monter ici, c'est ce matin. Voilà. Apparemment, la chef, elle a joué au fluchet dans son bureau et c'est tombé sur moi. Elle me l'a répété plusieurs fois. Voilà quoi. J'ai été fouillée par trois personnes et voilà, on m'a demandé de faire des conditions malsaines et incorrectes. On m'a menotté, le pantalon baissé et on a voulu me jeter au cachot, moi aussi, Chanel. Parce que moi, j'ai une insulté que, et voilà, je ne vais pas dire mon poids, mais j'ai le gabarit, moi, je ne peux pas me plier comme ça, comme elle veut. Donc, bon, j'ai eu la communication avec eux. Je les ai dissuadés à une personne d'entre eux. Ça fait quand même 4 ans que je suis sur la peine de Beaumettre. Et franchement, il n'y aura pas besoin d'envoyer la force avec moi. J'ai des bleus sur mon bras que je vais aller faire conserver, là. Et donc voilà, courage, de toute façon, voilà, vous n'êtes pas les seuls. Ça s'est passé en 10 jours. Il y a eu trop de bordel, voilà quoi. Bon, de toute façon, moi je vais écrire et tout, je vais revendiquer mon tout. Je suis avec les filles et tout, je suis avec eux. Voilà, je lâche rien. Et voilà, par rapport à la période où il n'y avait pas de toilette dans la promenade pendant 20 jours, il y a des filles qui sont parties faire leurs besoins dans la promenade. On a une promenade de 3 heures, on ne peut pas sortir pendant 3 heures, quoi qu'il arrive, même s'il y a une bagarre, ils interviennent à la fin de la bagarre. Voilà. Voilà, c'est aberrant, c'est un truc de malade, des locaux. Et voilà, donc, voilà. Bon, j'embrasse les filles, nous, franchement, sois fort, tu crées au cachot. Et les filles, vous savez, les vrais, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup en prison des vrais. Donc, voilà, nous, on est là. Et je reconnais que franchement pour moi c'est le scandaleux, c'est que ce soit des filles de 19 ans qui sont sorties à peine de l'adolescence, on est là, on les traumatise, ce mois-là, que j'ai vécu dimanche, ça a été une agression. Et, on a venu partir un team, on m'a émis, trois personnes qui m'ont suivi. J'ai tremblé à la fin. Hein, j'étais comme, comme si on m'avait violé presque. Et moi, ça, c'est pas normal, voilà, c'est une main. Et voilà, donc moi, je suis une rebelle gentille, moi. Donc, je rebelle, hein, mais gentiment, mais je suis une rebelle gentille. Et si là, je représente une sœur de prison, celle qui ont mangé des années avec moi, et celle qui vient d'arriver aussi, bon, voilà, qu'on ne peut pas trop prendre la conscience non plus. Et voilà, et franchement, nique les balances, nique les voleurs qui vont dans les cabines, qui sont dans les cabines, hein, les grosses, grosses balances, nique les mythomanes, hein, nique les rageuses, voilà, tout ça, voilà. Et ben voilà, ben, je dis que franchement, si tu fais dire ça rap, ça fait du vrai rap. Écoutez le son, les filles. Et voilà. Franchement, j'ai envie de chanter une petite chanson, moi aussi. J'avais réussi à faire une petite chanson. J'envoie la salade ou pas? J'envoie la salade ou pas? Tapez, les filles, tapez, j'envoie la salade. Bon, alors, qu'est-ce que vous chantez? Ah oui! Ah ouais, c'est bon. À l'époque, je chantais quand j'avais 19 ans, à l'époque. Alors, triste peine, seul tu veux monter, tu rêves, ce monde a fait de toi une bête, obscure, on prie pour toi mon frère, triste peine, jeune et mauvais, ouais regarde ce qui arrive, en effet, rien ne guérit l'homme, tu le sais, quel genre de jeune tu es, triste peine, seul tu veux monter, tu rêves, ce monde a fait de toi une bête. Obscur, on prie, c'est pour toi, mon frère. Ouais! Yes! Yeah. Pour vous, mes soeurs. Pour vous. Avec ouais, on attend de la suite. Je dis à des filles. On a dit ensemble, putain. Pourquoi on soit solidaires, c'est ensemble, les filles. Si, si, c'est pour ça. Là, franchement, vous nous avez mis la pile et la puce à l'oreille. C'est trop ce qui se passe. On ne peut pas se taire. Merci. Avant, j'avais un de rap quand j'étais jeune au Micro-Croulier à Marseille. On va ça. Ça va finir un beau mètre organisé. Ouais, c'est clair. Ça va finir un beau mètre organisé. Entre temps, je me suis tué la gorge. Oui, ma gâté, ton as sur la moto. Bien sûr, je vais les choquer. J'ai l'accent de ma ville sur le Pradel. Cigarillo, je vais descendre. Carignan, je vais descendre. Ratata, Bouddha, ouais, tété. Quand j'étais solo, tu m'as fait le sang. Hein? Tu veux nous faire la guerre? Hein? Par Dieu, t'es cuit. Je prends de la condi, on est des bonis. Qu'est-ce que t'as pas compris? Tu veux faire un feed? Quoi? Tu veux m'arnaquer? Oh? C'est Marseille, bébé. Je peux pas t'aider. Ouais, je te jure, les meufs. Tranquille ou quoi? Grève dans la coche. On a tous les droits. Paralysé. Oh, je vais les blesser. Oh, c'est sûr, je l'ai localisé. La baguette Chiquito. 2 heures après, je l'ai blacklisté. Oh, t'es un petit mytho. J'ai pris le choix, j'ai la vérité. Eh, hey, je suis la capitaine. Eh, hey, je vais les idaniser. Eh, hey, Paris, ma capitale. Non, c'est Marseille, bébé. 1-3, j'ai pas tort. Number one, je crie plus fort. Nique ton père sur la canne de bière. Nique tes morts, je jette au vieux port. Eh, mis un mort pour les quartiers sud, pour les quartiers nord. Nique ton père sur la canne de bière. Nique tes morts, je jette au vieux port. Je suis à la zone, claque, ça m'appelle pour kicker. Oublie-moi si tes bails sont pétés. Je suis ailleurs, je trouve de bise à gérer. Depuis tout à l'heure, que je brique des briquets. Je cavale trop, je suis picao. J'ai mes girls qui bicravent au chaos. Là, c'est chaud avec mes dum dum dum. Toujours la demande à l'isso. Dans le game, y'a rien à faire, j'm'embête. J'foque les traits qui parlent de moi sur le net. J'suis dans le sang depuis longtemps, faut que j'pète. En fait, j'pète que j'ai des clips à check. Faut toquer pas ça. J'attendais pas. Ratata. Les nouveaux sont là. Faut toquer pas ça. J'attendais pas. Ratata. Que mes gosses soient là. J'resterai fidèle à mes codes. Même si j'fais d'or et platine. J'en ai rien à foutre de leur mode. Nique leur père qui parle de la thune. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée. Fixé par les banalisés. Hasta la wego, fils en 1. Hasta la wego, fils en 2. Hasta la wego, fils en 3. Cap Cara, je rappe depuis l'époque de Dora. La technique, le flow de malade. TM, je me balade. T'es masque, cascara. Et fais ta folle à Keshmara. Je fume que de la frappe, M-Bara. Moi, je fais pas de mascara. Je traîne avec le S. Genre le RS. Je laisse le Ford NAPS. Je traîne qu'avec le S. Ok, sors le RS. Vroom vroom. Puis YZ. Je laisse le Ford NAPS. Yo, c'est ton air au teint. T'es qu'un fils de baratouin. J'ai commencé le rap, j'avais même pas one. Et maintenant, rien que je te pointe, yo, je vise leur c'est l'usine. Je ferais mieux de rester assis, je vais les sympas et je bois un coup. Je roule la balle jusqu'à quand j'aime, j'ai pas le temps là. Je suis maman, je cave à trop, je survole. Je connais bien l'animal de mon département, n'imagine pas que je serais ta goé. Et ça fait Zumba, café au carnaval. Depuis 24 ans, et ta piste, c'est pas banal. Et ça fait Zumba, café au carnaval. Avec tes 24 ans, et ta piste, c'est pas banal. On va organiser, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fait la fusée, pisté par les banalisés. Hasta la huevo, fais-en un. Hasta la huevo, fais-en deux. Fais-en trois. Légal, c'est médias, les femmes, pas de gamme. On fait coup d'état, trace de là, c'est pas l'aucun. Covid, pas besoin de c'est rien, faites la queue. Pilon majestique, à terre sanglant, c'est classique. Moi, Chiquita, j'suis meuf qu'on quitte pas. Trafic, pas d'armes. Marseille, on trouve des madames. Marseille, dans la. Si t'aimes pas, j'te dis ça là. Milly, j'milite comme Mélanie. C'est le premier son, c'est pas fini. Ya, ne me parle plus d'amis. Ya, on est devenus ennemis. Ya, j'ai la tête pleine, tu me suis. Veux me gagner, veux m'enculer, mais c'est pas pour cette nuit. Ya, comportement, je déconne. Ya, j'm'emporte avec les hommes. Ya, t'as bugué sur mes formes. Forme, tu me niques et t'en fais des tonnes. Car t'es mauvais, on lit en plus, t'es mauvais. Et claqué, au lit t'es mauvais. Et claqué, le plaisir n'a pas duré. Je me suis taillé, désolé. Tu me rends fou, ouh, ouh. Ouh, ouh, ouh. Sous, ouh, ouh. Lou, ouh, ouh. Tu me rends fou, ouh, ouh. Ouh, ouh. Sous, ouh, ouh. Lou, ouh, ouh. Ouh, ouh. 1, 2, wesh. On est trop des terres, on veut sortir de la dèche. J'suis dans le sang, mais j'garde la pêche. Moi j'ai pas de sentiments. J'vois ton blisse, des idées me hantent. Ah ah, conne. En moins de deux, j't'ai bloqué de mon fun. Pétard, joint de bœuf. J'suis parano, j'vois dans ton jeu. Autour de moi y'a que des traîtres. Y'a toujours un pour mettre en feu. Tous les règles, j'm'en fiche. Et j'm'en fous, j'l'affiche. Des frères. Vous êtes pas la série à Merliche. Tous les bandes d'âme. Que des pièces. On fait carnage. Tout pour la mama, y'a pas la nana, ça marche en équipe. Personne peut nous banaliser. Dans la zone, ça fout la fusée. Puis c'est pour les banaliser. Fais-en un, fais-en deux, fais-en trois, quatre, cinq, six, comme tu veux. Personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fout la fusée. Puis c'est pour les banaliser. Toutes celles qui sont pas là, Lisso, Meili, Safira, Lena Morgan. C'est ça les bails. Yes. Ça tue. Là, on se sent bien dans le chien. Franchement, vous nous régalez. C'était lourd. Trop lourd. Bon, merci beaucoup et pour cette courage aussi de faire ces témoignages. Les meufs qui ont voilà raconté qu'est-ce qui se passe au Baumette et voilà c'était un extrait là d'une émission à Palo Libre à Marseille et en fait on voulait passer comme un info qu'ils sont en train de faire une nouvelle émission aussi je vais vous lire un petit texte qui explique qu'est-ce qu'ils vont faire ça s'appelle la Lucarne et c'est une tentative radiophonique de donner la parole et des personnes à des personnes dans des situations d'enfermement. Et il y en a beaucoup dans la continuité police, justice, pénitentiaire ou psychiatrie. Prison, CRA, zone d'attente, mitard, HP, mise sous bracelet électronique, garde à vue, assignation à résidence. Et sans discours théorique, militant, universitaire, nous préférons les mots de l'expérience directe de la privation de liberté. L'existence à la diffusion de témoignages et d'opinions sur l'enfermement bouscule le travail d'isolement et des destructions d'entreprises par l'État et ses institutions. Nous insistons donc sur l'importance de faire sortir ces témoignages. Il est vital de créer un lien entre l'intérieur et l'extérieur des prisons, hors du contrôle de l'administration. Notre but est que les prisonniers, les prisonnières ou leurs proches s'emparent de la radio comme d'un outil pour faire vivre cette parole. Du coup, l'émission, ce sera une dimanche sur deux, tous les 15 jours à 20h sur Radio Galère et ça s'appelle La Lucarne. Et du coup, avec ce texte-là et puis avec les témoignages qu'on a entendus, nous, ça nous donnait aussi envie, comme un ouragan, de faire un petit retour sur à Saint-Étienne, qu'est-ce qui a existé comme émission comme ça, un peu de type parloir libre. Du coup, on va enchaîner avec l'écoute de l'interview d'une personne qui a participé pendant pas mal d'années à l'émission Papillon, qui était une émission anticarcérale et de parloir libre sur Radio Duo. Alors Papillon, c'était surtout une émission de radio qui a existé un peu avant 2010, je pense, jusqu'à 2018. Et qui était une émission de radio sur Radio Duo à Saint-Étienne. Et au bout d'un moment, pendant pas mal d'années, retransmise aussi sur Lyon, sur Radio Canu. Voilà, on travaillait en alternance avec La Petite Cuillère, qui était une autre émission de radio sur Radio Canu à Lyon, que nous, on rediffusait à Saint-Étienne sur Radio Duo. Et en gros, Papillon, c'était une émission de radio anticarcérale. Voilà. Qui était venue de l'idée de pas mal de personnes, de l'envie de bouger contre la prison, mais pas trop savoir comment. On avait fini par se dire qu'une émission de radio, c'était sûrement la meilleure pierre qu'on pouvait apporter à l'édifice. Voilà, et au bout de quelques années, pendant pas mal d'années, on a aussi participé activement à L'Envolée, qui est un journal papier contre toutes les prisons. Et qui se nourrit d'une émission de radio qui est à Paris, qui est le même type d'émission de radio contre la prison, sur une radio associative locale à Paris. Et voilà. Et en gros, l'idée de tout ça, c'est que très probablement la meilleure manière de lutter contre les prisons et de critiquer la prison et de dire ce que c'est que les prisonniers et prisonnières en parlent elles-mêmes. Et leurs proches racontent ce qu'ils vivent, ce que c'est la prison vu du dedans, ce que c'est que d'avoir un proche ou une proche enfermée, et de raconter les bagarres, parce qu'il y en a plein, et qu'en prison, ne serait-ce que demander à lire le règlement interne, ça peut devenir une lutte en fait. Et faire une remarque à un surveillant ou une surveillante sur son attitude, ça peut devenir quelque chose qui va vous bousiller votre vie. Donc vraiment, même respirer en prison, ça peut être une lutte, quoi. Et donc voilà, l'idée de cette émission Papillon, mais en relation avec plein d'autres petits médias, radio, papier ou autres, c'est donner la parole à celles qui l'ont pas et faire circuler les paroles. Parce que la radio, c'est un média qui peut être entendu en prison. Voilà, alors ça change un petit peu parce qu'il y a de moins en moins de radio en prison, il y a de moins en moins de gens qui écoutent la radio et il y a de plus en plus de réseaux sociaux. Mais il semblerait que la radio, c'est quand même, ça reste quand même bien utile. Donc à une époque, il y a eu pas mal d'émissions de radio dans toute la France qui étaient en lien les unes avec les autres et ça permettait de faire circuler des paroles, des infos et des messages dans plusieurs prisons et autour. Et après, il y en a eu moins. Et là, ça recommence un petit peu. Et avec tout le truc, on sait bien que finalement, il n'y a pas grand monde qui écoute. Mais ça nous semble quand même important. Voilà. Mais Papillon n'existe plus. Et comment vous rentriez en contact avec des gens qui étaient en prison et leurs proches ? Eh bien, déjà, on en connaissait. Voilà, on était plusieurs à être proches de prisonniers. Et puis après, c'est vrai que c'est pas très simple. On a fait beaucoup de plantons devant la maison d'arrêt de la Talaudière, pendant les parloirs, à essayer de rencontrer des gens, à essayer de diffuser un peu nos idées, faire connaître ce qu'on faisait. C'était un peu laborieux, c'était voilà. Et sinon, après, de bouche à oreille, de rencontre en rencontre. Et puis aussi, par exemple, dès qu'on voyait une histoire qui sortait dans la presse de quelqu'un qui était en prison, qui avait peut-être des galères à l'intérieur, et si on avait le courage et la motive et qui avait son nom, on lui écrivait. On a entretenu beaucoup, beaucoup de correspondances papier avec des gens qui étaient en prison. C'est quand même une des meilleures manières de faire sortir des paroles. Et après, les réseaux sociaux et leur boom ont changé beaucoup de choses, mais en fait, pas tant que ça, je pense. Ça reste important de prendre le temps de rencontrer des gens, de discuter avec, de relayer ce qu'ils ont à dire. Pas juste zapper. Profiter qu'on a accès à un média pour dire un truc, zapper, et puis tout passe à la trappe. Ça veut dire que tu trouverais ça bien qu'il y ait une nouvelle émission Papillon ou équivalente à Papillon sur Radio Dio? Mais carrément. Mais je pense quand même que la question du média radio, elle se pose, parce que faut pas le faire en s'imaginant qu'il y a plein de gens en prison qui vont l'écouter et que c'est un truc de fou, mais il y a plein de questions à se poser. Mais effectivement, je pense que ce serait bien s'il y avait une émission de radio, qu'elle était écoutée à l'intérieur, qu'elle permettait de faire passer des infos et des messages. Ça serait super. Il y a des gens dehors qui l'écoutent, qui sont contents. Et ce que je voulais rajouter, c'est que avant l'émission Papillon, il y a une émission de radio qui était historique à Radio Dio, qui était La Clé des Ondes, qui était une émission de messages, qui était hebdomadaire, à l'époque où il n'y avait pas le téléphone, tout ça. Et où toutes les semaines, les gens, pendant une heure et demie, pouvaient appeler pour laisser un message à quelqu'un qu'ils connaissaient, qui était à l'intérieur. Mmh. Et ça, ça se fait sur plein de radios. C'est souvent sur des radios catho que ça se fait. Mais c'est un truc qui se fait encore, qui s'est arrêté à Radio Dio, parce qu'il n'y avait plus trop de messages, il n'y avait sûrement plus trop d'utilité, mais il y avait ça vraiment. Mmh. C'était des messages pour l'intérieur. Et ben voilà que on redit quoi, qu'on invite à faire sortir les paroles de ce qui se passe à l'intérieur, et puis que des nouveaux papillons pullulent sur Radio Dio aussi, enfin on espère. Et aussi là, comme on a parlé rapidement, la camarade dans les autres moyens de lutte hyper importants qui a existé pour parler de la réalité en tôle, il y a l'émission de radio, le journal et le site internet de L'Envolée aussi qui existe et qui continue à faire un boulot de ouf là, de témoignages. Et du coup là on va écouter un autre montage qui raconte un petit peu l'actualité de L'Envolée. Certaines personnes reconnaissent peut-être ce morceau de musique. Il s'agit du générique de l'émission de radio anticarcérale L'Envolée, diffusée tous les vendredis sur Fréquence Paris Pluriel depuis de nombreuses années. Ces émissions, comme d'autres émissions anticarcérales telles que Parloir Libre à Marseille, La Petite Cuillère à Lyon, Casse-Muraille à Nantes entre autres, permettent de maintenir un lien entre l'intérieur et l'extérieur des prisons, en dehors du contrôle de l'administration pénitentiaire. Mais L'Envolée, c'est aussi un journal qui paraît plusieurs fois par an. Ce journal est réalisé par des ex-prisonniers et des ex-prisonnières ou des proches de prisonniers-prisonnières qui pensent qu'il est primordial de publier des textes venus des prisons et des textes contre les prisons. Prisonniers et prisonnières y décrivent leur quotidien. Ils dénoncent leurs conditions de détention, se battent contre l'enfermement. Une parole de prisonnier et prisonnière qui sort et attaque l'administration pénitentiaire ou la justice, qui plus est quand cette parole est collective, constitue un acte politique qui dérange l'ordre des choses. Ce journal survit maintenant depuis plus de 15 ans, malgré les censures de l'administration pénitentiaire, malgré les poursuites récurrentes pour diffamation. Et on sait très bien que la censure, les attaques ne les arrêteront pas, bien au contraire. Mais pour diffuser leurs paroles et leur exprimer notre soutien, il nous paraissait important de relayer leur communiqué suite aux dernières attaques auxquelles le journal doit faire face. Ça s'appelle « Il y a que la vérité qui blesse » et vous pouvez le retrouver sur leur site et le diffuser autant que possible. Il y a que la vérité qui blesse. Communiqué du journal L'Envolée suite à la censure du numéro 52 dans les prisons françaises. Le 4 janvier dernier, par une note de la direction placardée dans toutes les prisons, l'administration pénitentiaire, l'AP, a interdit la diffusion du numéro 52 du journal L'Envolée aux prisonniers et prisonnières abonnés. En même temps, elle a porté plainte pour diffamation et injures. Depuis 20 ans, l'Envolée soutient que les prisonniers, les prisonnières et leurs proches sont les mieux placés pour énoncer quelques vérités sur la prison. À travers cette censure et cette plainte, il s'agit de réduire au silence cet espace de libre expression, d'information et d'élaboration collective d'une critique de la prison. L'Envolée publie des textes et des lettres qui décrivent le quotidien carcéral, dénoncent les conditions de détention et luttent contre l'enfermement. Notre journal est un porte-voix pour celles et ceux qui ont été mis au ban de l'humanité. En effet, aucune parole de prisonnier prisonnière ne peut être rendue publique hors du contrôle de l'administration pénitentiaire. Conversations téléphoniques et parloirs peuvent être écoutés, les courriers sont lus systématiquement et les passages dérangeants censurés. De plus, pour trop de gens à l'extérieur, toute parole sortie des prisons est forcément une parole infâme, toujours suspecte d'exagération ou de mensonge. Les pages mises en cause par l'AP reviennent sur plusieurs morts en détention. Le 9 septembre 2020, Idir est mort au quartier disciplinaire de Lyon-Corbas, 2 semaines avant sa sortie. L'AP affirme qu'il s'est pendu, mais sa famille et ses proches ne croient pas à cette version, qui est aussi mise en doute par des témoignages de prisonniers. Le 14 avril 2018, Jawad a trouvé la mort au quartier disciplinaire de la maison d'arrêt de Toulouse 6. Ses voisins de cellule ont immédiatement dénoncé un meurtre maquillant suicide et mis en cause une équipe de matons violents qu'ils appelaient l'escadron de la mort. Il est aussi question de la mort suspecte de Sambali à Saint-Martin-de-Ré en 2016 et de Jean-Christophe Merlet, un prisonnier handicapé à vie après avoir été roué de coups par une équipe de surveillants de cette prison. C'est à l'administration pénitentiaire de prouver qu'aucun de ses agents n'humilie ni ne tabasse ceux dont elle a la garde. Tous les 3 jours en moyenne, l'administration pénitentiaire signale une nouvelle mort au sein de la population pénale. Administrativement, les prisonniers et les prisonnières sont sous l'entière responsabilité de l'AP. Il s'agit donc, à minima, de non-assistance à personne en danger. Quand une personne enfermée met fin à ses jours, c'est bel et bien la prison qui la tue. Car le choc de l'enfermement, les conditions de vie inhumaines et la longueur des peines plongent certains prévenus et condamnés dans le désespoir. Mais ceux et celles qui connaissent la réalité carcérale pour l'avoir éprouvée dans leur chair parlent parfois de morts suspectes à propos de certains suicides en prison. Des surveillants pénitentiaires humilient et tabassent à l'abri des hauts murs des prisons, particulièrement dans les quartiers disciplinaires et dans les quartiers d'isolement, et trop souvent des prisonniers et prisonnières meurent. Les prisonniers et les prisonnières savent ce qui les attend quand ils et elles dénoncent ces violences. Intimidation et punition implacable. Ils sont souvent mis au cachot ou font l'objet d'un transfert disciplinaire, ou les deux. Lorsque des proches ne croient pas à la version officielle après un décès en détention, la paix et la justice invoquent tantôt des problèmes de santé, tantôt une consommation de stupéfiants, bien souvent des troubles psychiatriques, et presque toujours des violences à l'encontre des surveillants. Comme celle des prisonniers et prisonnières, la parole des familles est presque invariablement reçue avec méfiance, quand ce n'est pas avec mépris. Là où la parole est censurée, là où les prisonniers sont punis s'ils dénoncent ce qui se passe, là où les seules images disponibles sont celles de la paix, là où les proches ne sont pas entendus, ce serait à l'Envolée de prouver la réalité des violences pénitentiaires dont elle se fait l'écho. Eh bien non, c'est à l'administration pénitentiaire de prouver qu'aucun de ses agents n'humilie ni ne tabasse ceux dont elle a la garde. Que ceux qui administrent la prison et ceux qui la défendent se chargent de démontrer qu'elle ne tue pas, que l'enfermement n'est pas indigne, que ce n'est pas une torture. Le journal a déjà été poursuivi, notamment lorsque nous avons publié des lettres dénonçant les pratiques des équipes régionales d'intervention et de sécurité. Les ERIS, ces surveillants cagoulés mobilisés pour réprimer les mouvements de protestation à l'intérieur des prisons. Et quand des prisonniers ont dénoncé la torture blanche des quartiers d'isolement, QI, qui ont remplacé les QHS, quartier de haute sécurité de sinistre mémoire. Comme chaque fois, nous ferons de la plainte à laquelle nous allons faire face une occasion de plus de faire entendre des récits et opinions sortis de ce lieu, où une violence d'État s'exerce loin des regards. Puisque la prison reste un gigantesque angle mort de notre société, puisse la censure qui frappe aujourd'hui l'Envolée permettre à un plus grand nombre d'entendre enfin la voix des premiers et premières concernées. L'Envolée, le 29 janvier 2021. Alors, on va s'écouter un petit morceau de musique. On va écouter Beautiful Boys de Coco Rosie. beautiful boys. Beautiful boys. But illegitimately to a whore most likely he became an orphan, a wood lovely orphan. He was sent to the reformatory. 10 years old was his first glory. Got caught stealing from a nun. Now his love story had begun. Executed. The pure romance was undisputed. Angelic hoodlums and holy ones. Angelic hoodlums and holy tattoos of ships and tattoos of tears. All those beautiful boys, pimps and queens and criminal queers. All those beautiful boys, tattoos of ships and tattoos of tears. Voilà, on va enchaîner finalement avec un autre petit montage qui, où on, c'est un appel à soutien qui était lu pour Jennifer, une femme trans emprisonnée à Toulouse. Et voilà, on va s'écouter ça. Quelques semaines, un appel à solidarité pour une femme trans enfermée au quartier d'isolement de la prison de Seyss circule dans les réseaux féministes et anticarcérales. Cet appel demandait à faire du 8 mars 2021 une journée de solidarité pour toutes les personnes trans et travailleuses du sexe incarcérées. À Marseille, comme dans de nombreuses autres villes, cet appel a été lu par des camarades trans à la fin de la marche de nuit du 7 mars. On vous propose de l'écouter. Je remercie au passage le copain qui l'a enregistré, et malheureusement, il en manque un petit bout au début que je vais vous lire. Sortons Jennifer de l'isolement. Free Jennifer. En cette journée du 8 mars, nous réclamons justice pour Jennifer et pour toutes les personnes trans putes incarcérées. On rappelle que le 8 mars est la journée internationale de lutte pour les droits de toutes les femmes. Solidarité avec Jennifer. Liberté pour Jennifer. Notre amie est en prison. Nous sommes ici pour porter la voix d'une femme que vous avez peut-être croisée dans les rues de Toulouse et qui ne vous aurait pas laissée indifférente. Cette femme, c'est notre amie Jennifer, une militante pute, queer et célébrité de quartier. Jennifer n'a peur de rien. C'est une militante qui chassait les pitophobes à coups de bob, une sublime blonde avec la jupe la plus courte de tout Belfort, mais aussi notre sœur, notre amie, notre girlfriend. C'est aujourd'hui, si aujourd'hui elle ne peut parler en son nom, c'est parce qu'elle est incarcérée depuis 9 mois à la prison de Seyss, dans la pire des conditions, en isolement dans la prison pour hommes. Jennifer est placée en détention provisoire. Elle est poursuivie pour tentative d'homicide contre l'homme qui l'avait violée quelques jours avant. L'accusation de viol n'a d'ailleurs pas été retenue par cette justice sexiste, transphobe et putophobe. Ces conditions de détention ne sont pas vivables. En l'attente de son jugement, l'administration pénitentiaire, sous couvert de sa sécurité, a préféré l'enfermer seule dans 9 mètres carrés. On rappelle que l'isolement est une mesure punitive atroce et déshumanisante. Elle n'a aucun contact en dehors des matons et des parloirs et souffre de transphobie. Plusieurs de ses proches n'ont pas eu de permis de visite pour aller la voir. La prison lui bloque l'accès à certains produits, comme un simple lecteur DVD ou du maquillage sans aucune raison. Ces conditions de détention indignes et maltraitantes pèsent inévitablement sur sa santé physique et mentale. Sortons Jennifer de l'isolement. Aujourd'hui, en cette journée du 8 mars, bon, on sait que c'est pas le 8 mars encore, mais... En cette journée du 8 mars, nous réclamons justice pour Jennifer et pour toutes les personnes trans, putes, incarcérées. On rappelle que le 8 mars est la journée internationale de lutte pour les droits de toutes les femmes, qu'elles soient putes, trans, etc. Nous sommes là pour hurler. On vous croit, on vous soutient, on vous aime. Au sens propre comme au figuré, alors racontons son histoire, écrivons-lui, soutenons-la, envoyons-lui de l'argent. Ne laissons pas la prison nous séparer de nos sœurs, tout ensemble crions Free, free Jennifer! Free, free Jennifer! Free, free Jennifer! Free, free Jennifer! Free, free Jennifer! Free, free Jennifer! Free, free Jennifer! Free, free Jennifer! Pour plus d'informations, pour savoir comment lui écrire ou la soutenir, vous pouvez envoyer un mail à solidaritéjennifer@riseup.net ou joindre le COSCO, le comité de solidarité entre copines. Avec cet appel, le comité de solidarité entre copines en profite pour publier quelques informations sur les conditions de détention des femmes trans aujourd'hui, dont on avait envie de vous faire part. Les droits humains fondamentaux des détenus ne sont généralement pas respectés en prison. Pour les femmes trans, le risque de privation de droits est exacerbé par la transphobie. Il y a un gros manque d'informations sur les conditions de détention des personnes trans en prison en France. Malgré tout, voici un résumé de leurs recherches. Selon le ministère de la Justice, il y aurait seulement 15 à 30 personnes trans incarcérées en France. Mais d'autres sources, comme IPJ News dans un article du 7 juin 2019, estiment ce chiffre à entre 100 et 200 personnes. Aujourd'hui, les conditions de détention des femmes trans sont encore dramatiques. Elles sont souvent incarcérées dans les prisons pour hommes. En théorie, la loi française préconise que les personnes transgenres soient incarcérées en fonction du sexe qui est inscrit sur leur papier d'identité. Dans les faits, chaque établissement décide de leur affectation comme il le souhaite. Cette décision est souvent faite après inspection des organes génitaux. Les femmes trans sont alors séparées de la population générale de la prison, soit dans un quartier spécifique, comme par exemple la Fleury-Mérogis, soit placées à l'isolement. En réalité, pour les femmes trans incarcérées, les risques de mauvais traitements sont exacerbés par la transphobie du milieu carcéral. Leur genre n'est pas respecté, et elles sont réassignées à l'identité civile, qui est différente de leur identité de genre. Elle risque des abus physiques et sexuels de la part des autres prisonniers et du personnel de la prison. Elle doit faire face à un refus d'accès systématique à des vêtements ou objets qui seraient adaptés pour la prisonnière. Enfin, elles sont souvent privées des traitements médicaux adéquats, pas d'accès à leurs traitements hormonaux ou ajustement des dosages. L'isolement constitue une mise à l'écart du reste de la population générale. D'ordinaire, y sont placées les personnes impliquées dans des affaires terroristes et de grand banditisme. C'est un emprisonnement dans la prison, selon la Cour européenne des droits de l'homme. Le comité de prévention de torture du Conseil de l'Europe recommande qu'il soit le plus court possible. La CNCDH, Commission nationale consultative des droits de l'homme, appelle « torture blanche » l'isolement de longue durée. Un placement à l'isolement signifie une réduction, voire un refus d'accès à certains services ou à certaines ressources disponibles à l'intérieur de la prison, comme par exemple l'accès au téléphone, l'absence d'interaction sociale puisque les promenades se font seules dans une petite cour grillagée, l'absence aussi d'accès à des formations professionnelles ou au travail. Les conséquences d'un placement à l'isolement sont nombreuses pour les personnes qui les subissent, notamment l'altération des sens, la déstabilisation des repères spatio-temporels et une décompensation psychologique. Si vous voulez plus d'infos sur les conditions de détention des personnes trans, il y a deux brochures. L'une parle plutôt de la situation aux États-Unis et s'appelle « Femmes trans en prison ». Et l'autre parle plutôt des conditions de détention des personnes LGBTQI en prison, plutôt aux États-Unis aussi, et s'appelle « Et pour en finir avec le placard ». Vous pouvez retrouver ces deux brochures sur infokiosque.net. Et concernant la situation en France, il y a une tribune qui s'appelle « Pour la fin de la transphobie pénitentiaire », qui était signée par de nombreux assos et collectifs trans. Elle date de mai 2019 et vous pouvez la retrouver notamment sur le site d'ACT UP. Et pour terminer cette petite chronique, j'avais envie de rappeler qu'à l'extérieur aussi, les conditions matérielles d'existence sont difficiles pour les personnes trans. Accès difficile aux soins, au logement, au travail, psychiatrisation forcée, etc. La société transphobe et si sexiste tue de nombreux et nombreuses camarades trans. La semaine dernière, on a appris la mort d'un camarade trans rennais. Encore une fois, un camarade qui a décidé de mettre fin à ses jours. Et ça bouleverse, ça rend triste, ça donne envie de tout péter. Je ne vais pas développer ici toutes les raisons qui peuvent nous pousser, nous les personnes trans, au suicide. Elles sont nombreuses et ce n'est pas le sujet de l'émission. J'avais juste envie d'avoir ce soir une grosse pensée pour Sté et d'envoyer plein d'amour, de force, de rage et de courage à toutes les copines trans et féministes de Rennes et d'ailleurs qui sont touchées par ce qui vient de se passer. Ensemble, on va continuer à lutter. Et voilà, avant de continuer avec notre programme qui n'est pas du tout une heure aujourd'hui, un peu plus, mais on va s'écouter un autre petit morceau qui vient de la playlist transféministe que vous pouvez trouver aussi sur YouTube. Et c'est Shea Diamond avec le titre I Am Her. If you had to wear my shoes, you'd probably take them off too. There's an outcast in everybody's life, and I am her. There's a shadow in everybody's front door, and I am her. There's a dark cloud in everybody's sunlight, and I am her. And problems that I go through. Sometimes I can't sleep at night. If I hide my face, heaven would be, and it wouldn't be the worst thing that I ever did. It's a hell of a world that we're living in. James 2:10, a believe and I can believe. There's an outcast in everybody's life, and I am her. There's a dark cloud in everybody's sunlight, and I am her. There's a shadow in everybody's front door, and I am her. On generations I've known. And it ironic, the smarter we get, the less we understand about the simplest shit. I am shamed, she is me. We get down with our bad selves figuratively. Don't care too much what other people say. I get along swell by my goddamn self. Never ask for no one's philosophy. Voilà une petite musique qui donne la force. Bon, moi je trouve, en tout cas, ça donne un peu la pêche. Et là, on a déjà parlé par mal d'Idir, qui en fait était le 9 septembre 2020, te retrouver pendu dans la cellule. C'est ça qu'on a dit à sa famille. Et en fait, il y a une interview sur l'émission L'Envolée où il y a Najet, la mère d'Idir, qui parle, voilà, qui nous raconte qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Et on va l'écouter maintenant. Bonjour, on est avec Najet qui a voulu parler au micro de L'Envolée. Najet, la maman de Idir, qui est mort dans des conditions plus que suspectes au mitard de la maison d'arrêt de Corba à Lyon le 9 septembre 2020. On en a déjà parlé dans l'émission et puis on avait envie de donner un peu des nouvelles. Bonjour Najet. Bonjour tout le monde. Merci de m'inviter à votre plateau. Alors, tu voulais commencer par nous reparler un petit peu de Idir, ton fils ? Idir, paix à son âme, c'était quelqu'un de bon vivant. Il était toujours souriant, même quand tout allait mal. Il était respectueux et toujours prêt à rendre service. Et tout le monde l'aimait, sa famille, ses amis, tous ses proches, quoi. Il était toujours là pour les autres. C'était une personne de bon franc. Ok, et donc il est décédé à Corba le 9 septembre. Oui, c'est ça. Mon fils, malheureusement, il était en prison. Oui, il a fait les bêtises, comme tous les jeunes, comme nous tous d'ailleurs. Mais il ne mérite pas cette mort. Quand il est rentré en prison, il a compris que ce n'était pas sa place. Il m'a envoyé une lettre où il m'expliquait qu'il regrettait ce qui est arrivé. Et il m'avait promis qu'en sortant, il reprendrait sa vie comme avant, avec ses projets. En priorité, refaire son permis de conduire, le sport, le travail, etc. Ça se passait comment à la prison ? Il n'avait pas de problème avec les détenus. Le seul problème, c'était avec les surveillants. Ok, ça fait que vous avez déjà subi ce drame et puis vous êtes intéressé à ce qui se passait plus largement, ce qui arrivait à d'autres. Ben oui, c'est ça. Comme on a créé une association qu'on a appelée Espoir et Solidarité, IDIR. Ben, on a lancé des appels pour des témoignages et j'ai reçu pas mal de témoignages qui prouvent qu'il y a trop de maltraitance au sein de l'établissement, quoi. Ok, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les revendications et les objectifs de l'association IDIR Espoir et Solidarité ? Avant tout, je veux adresser un message à monsieur le ministre de la Justice. Mon fils IDIR avait 22 ans. Il est mort le 9 septembre dernier à la maison d'arrêt Lyon-Corba. Il était si jeune. Combien de temps il vous faut encore pour commencer à réagir? Est-ce que vous allez continuer à fermer les yeux? La France a recensé 113 morts en prison rien que l'année 2020. Et ça fait des années que ça dure. Rien n'a changé. Est-ce que vous trouvez ça normal, monsieur le ministre? Ils sont pas humains à vos yeux? Quand est-ce que vous allez réagir? Est-ce que vous trouvez normal que des détenus soient enfermés dans un endroit où on leur coupe l'eau et l'électricité, où ils sont obligés de boire l'eau des toilettes? Ces actes de barbarie sont totalement inadmissibles. Est-ce que vous trouvez normal que des surveillants se mettent à 4 ou 5 pour tabasser un seul détenu? Leur métier consiste à les protéger, à les surveiller, pas les maltraiter et les tabasser jusqu'à la mort. D'ailleurs, il y a un détenu qui s'appelle Yassine, a eu le courage de prendre la parole et de raconter que les surveillants les ont tabassés au mitard de Corba. Et qui dire, on est mort. Le 11 octobre, alors que nous étions devant Corba pour rendre hommage à IDIR, paix à son âme, en même temps, les surveillants ont à nouveau tabassé Yassine pour le forcer au silence. Et le pire, ils l'ont placé dans la cellule là où il est mort, mon fils IDIR. Vous trouvez normal, monsieur le ministre, tout ça? Que faites-vous pour protéger ceux qui ont le courage de dénoncer les violences et les injustices? Jusqu'où vont-ils aller pour les faire taire? Qui va les protéger, monsieur le ministre? Ok, donc on revient sur les revendications de l'association? Pour nous, les détenus ont le droit de purger leur peine dans la dignité et dans le respect. Ce sont des êtres humains et pas seulement des numéros d'écrou. Et ils ont fait des erreurs, certes, mais la prison est déjà une punition. Pourquoi les juger une deuxième fois en les condamnant à mort? Et quand il y a un décès, pourquoi est-ce que vous ne prenez en compte que la parole des surveillants et jamais celle des détenus? Nous, les familles de détenus, on veut que vous regardiez en face ce qui se passe vraiment en prison. Monsieur Moriti, face au drame terrible que nous traversons, nous avons perdu un membre de notre famille dans des conditions brutales. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas droit à ce minimum de considération? La presse a largement parlé des circonstances très suspectes du décès de IDIR. Les autorités ne peuvent pas prétendre qu'elles ne sont pas au courant. Nous, on ne veut pas déclarer la guerre. On est là contre l'injustice, contre les violences, contre la maltraitance. On est là pour réclamer nos droits, pour dire stop au massacre, que la justice soit faite, que la loi soit pour tous, que ces monstres soient punis de leurs actes de barbarie. Ils nous ont détruits, monsieur le ministre. Il faut que nous sachions ce qui se passe derrière tous ces murs des prisons. Pourquoi y a-t-il autant de morts? Qu'est-ce qu'ils font à nos proches? Qu'est-ce qu'ils leur font comme horreur pour ensuite faire croire qui se sont suicidés? Aidez-nous, monsieur le ministre, à trouver la lumière. Aidez-nous à trouver des réponses à nos questions et que la vérité soit éclatée. Aidez-nous à pouvoir enfin faire notre deuil. Ok, tu voulais aussi passer un message aux jeunes? Oui, je voulais dire aux jeunes, à votre avis, est-ce que IDIR savait qu'il allait mourir? Non, c'est sûr. Car sinon, il aurait voulu dire au revoir à sa famille et à ses amis. Au contraire, il avait beaucoup de projets qu'il voulait réaliser. Je veux vous demander de faire très attention à vous, d'être vigilant, car je ne veux pas que ce qui est arrivé à mon fils vous arrive à vous aussi. Il ne faut pas suivre les voies toutes tracées qui risquent de vous conduire en prison. Beaucoup de détenus disent « la prison c'est dur, mais la sortie c'est sûre ». Oui, je suis d'accord. Et comment est-ce que tu vas sortir? As-tu bien réfléchi à tout ça? Tu vas sortir à moitié détruit ou les pieds devant. À part ça, il n'y a pas d'autre sortie. Les drames qui arrivent dans toutes les familles montre que le passage en prison peut être fatal. Ce qui est arrivé à Idir, à Toufik, à Jawed, à Zemeni, à Bilou, à Mehdi, à Jules et plein d'autres, paix à leur âme, peut vous arriver à vous aussi. Il faut aussi que vous pensiez à vos mamans, à vos frères et sœurs. Quand vous rentrez en prison, la vie s'arrête pour votre famille et ceux qui vous aiment. On pense toujours à vous et on se pose toujours des questions. Est-ce que tu as assez mangé? Est-ce que tu dors bien ou correctement? Est-ce qui te frappe? Plein de questions qu'on se pose. Oui, je veux faire passer un message aux détenus. Je veux vous dire qu'il faut briser le silence. Il ne faut pas avoir peur. Et qu'il faut porter plainte et parler des violences que vous subissez. Parlez à vos familles ou à vos avocats. Parce que malheureusement, je sais que tout cela est un peu compliqué à l'intérieur. Souvent, les plaintes ne sont pas enregistrées ou alors elles n'aboutissent pas. Mais si personne ne parle, ça continuera et ça finira toujours mal. Pour vous, pour vos frères, pour vos proches, pour vos co-détenus, il faut briser le silence. Je veux adresser mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu un proche. Et je veux leur dire, il ne faut pas baisser les bras. Nous devons lutter contre ce véritable massacre, contre la barbarie de ces monstres qui se croient tout permis. Il ne se passe pas un mois sans qu'on entend parler d'un soi-disant suicide, d'une mort suspecte ou d'une mort tragique derrière les barreaux des prisons. Et toujours le même scénario se répète à chaque fois depuis plusieurs années. Il s'est suicidé, il s'est pendu sans que rien ne change. On a créé cette association qui s'appelle Association Idir Espoir et Solidarité. N'hésitez pas à nous contacter. Et nous avons aussi fait une pétition pour supprimer les couloirs de la mort, dits quartiers disciplinaires ou mitards, et les quartiers d'isolement. Car il y a dans ces endroits trop de morts inexpliquées et de drames. L'union fait la force. Il faut que la vérité éclate. Il faut qu'on soit soudés. Merci. Ok, merci Najette. Et merci l'association. Vous organisez une marche le samedi 9 janvier ? Oui, à l'occasion, on a organisé une marche le 9 janvier à 14h à Brigné pour honorer la mémoire de mon fils, paix à son âme, et pour réclamer la justice pour lui. Eh bien, on espère qu'on sera nombreux et nombreuses à cette marche. Et comment on peut vous contacter ? Ben, au billet de l'association. Espoir et solidarité, on est sur tous les réseaux sociaux et vous tapez que Idir Espoir et solidarité et ça va sortir. Et si vous voulez signer la pétition, vous la trouverez sur mesopinions.com et elle s'appelle « Pour radier les quartiers disciplinaires qui sont dévastateurs ». Voilà, merci à Najette pour ses paroles. Et on va passer encore une petite musique avant de faire une petite discussion interview avec une invitée qui est là avec nous dans le studio du CASIS, les caisses de solidarité de Saint-Étienne. Mais là, d'abord, on va écouter The Revengers, mais je ne sais pas quel morceau. Mais bon, peut-être tu peux nous dire. Autodéfense. Voilà. Et après ce super morceau, on est de nouveau en studio, en direct sur Radio Dio 89.5, sur l'émission Comme un ouragan, où du coup on en a fait une là spéciale contre toutes les prisons et en solidarité avec toutes les personnes à l'intérieur. Et pour clôturer ce moment, on a une invitée qu'on est très contente d'accueillir. Et du coup, ouais, on avait envie d'inviter une camarade qui a fait partie du collectif de la Caisse de solidarité de Saint-Étienne, le Cassis 42. Oui. Voilà. Et du coup, est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu c'est quoi l'historique de cette caisse, pourquoi ça s'est monté, comment ça se passe? Raconte-nous tout. Alors, le CACIS, c'est le collectif d'autodéfense et de solidarité en soutien aux inculpés stéphanois et stéphanoises. Et même moi, j'ai besoin de le lire parce que j'oublie tout le temps. Et en gros, on existe depuis 2018. On s'est créé pendant les manifestations Gilets jaunes à Saint-Étienne et aussi les manifs lycéennes. Parce que c'était une époque où il y avait énormément de gardes à vue et que les commissariats étaient pleins à craquer et qu'on s'est dit qu'il y avait un besoin de soutien. Donc ça a commencé avec un téléphone d'urgence, un numéro de téléphone qu'on distribuait en manifestation et aussi une présence devant les commissariats après les gardes à vue pour essayer d'apporter un peu de soutien et de réconfort. C'est quand même pas des moments faciles. Et du coup, voilà, on a commencé à faire des soirées de soutien et à être présent aussi en manif pour distribuer des conseils en garde à vue ou des conseils sur... un peu comment, je sais pas, se former et comment avoir un peu des billes juridiques quand on est soit en garde à vue, soit en manifestation, soit voilà, face à la police et au système pénal de manière générale. Ok, et du coup ça c'était création 2018 et comment ça se passe maintenant, comment vous organisez Et eh bien, depuis, il est passé du temps, on essaye de se faire connaître au maximum. Là, depuis le confinement de l'année dernière, c'est quand même devenu assez plus compliqué, même de faire des soirées de soutien et tout ça, parce qu'on a quand même vraiment besoin d'argent pour notre fonctionnement et aussi pour aider des personnes qui ont des soucis financiers, et voilà, comme par exemple payer les frais d'avocat ou des choses comme ça, c'est des choses pour lesquelles on peut aider. Et là, ben, depuis l'année dernière, la plupart des personnes qui nous contactent, c'est plutôt des personnes qui ont eu des amendes en manifestation ou des amendes pour le confinement ou des choses comme ça. Ou ouais, des personnes aussi sur lesquelles il y a une espèce d'acharnement policier, qui reçoivent amende sur amende sur amende sur amende ou avec des amendes sans contact, on appelle ça. C'est-à-dire qu'elles n'ont même pas été contrôlées par la police, elles vont recevoir des amendes chez elles. Et je parle de ça dans des quartiers un peu plus sensibles où des manifestants ou des militants qui sont connus des services de police. Et du coup, on est plutôt sur ce genre de choses, à essayer de réfléchir si ça vaut la peine de les contester ou pas, parce que c'est très cher de payer les avocats, parce qu'au tribunal de police, donc quand on conteste une amende, ça peut aller jusqu'à une convocation au tribunal de police. Et à ce moment-là... on ne peut pas avoir droit à l'aide juridictionnelle et donc on ne peut pas avoir la gratuité des avocats, quoi. Donc c'est des fois, ça vaut plus le coup de payer une amende à 135 euros que de payer un avocat à je ne sais pas combien. Voilà. Et juste là-dessus, c'est une stratégie politique qui est assez... j'allais dire intéressante, mais ce n'est pas vraiment intéressant. C'est juste que c'est flippant parce qu'en fait... l'État est en train de faciliter les procédures judiciaires comme ça, de faire des comparutions qui empêchent qu'il y ait un contradictoire, donc qu'on soit assisté d'avocats ou que, par exemple là qu'on n'ait pas d'aide juridictionnelle. Donc c'est des choses sur lesquelles on essaye d'être un peu attentif, de voir quelles stratégies politiques sont mises en place par le gouvernement en ce moment pour on n'a plus de défense, quoi. C'est assez grave. Et il faut savoir qu'à Saint-Étienne, par exemple, les tribunaux ne sont plus publics depuis le confinement de l'année dernière, ce qui est grave aussi. Enfin, c'est quand même un principe démocratique important. Voilà. Et du coup, là, pour continuer justement à être visible pendant confinement, couvre-feu, pour, vous, pour vous contacter, pour que vous soyez en lien avec, avec les gens, comment ça marche? Bah là, on n'a pas vraiment de moyens de se faire connaître. Enfin, il y a eu des affiches qui ont été posées dans la rue, des choses comme ça. On a des nouvelles cartes qu'on essaye de poser au maximum dans plein d'endroits de sociabilité, mais il y en a tellement peu maintenant que ça devient de plus en plus compliqué. Mais si on veut nous contacter, là, il y a la radio, donc je peux le dire, il y a un numéro de téléphone qui est le 06 34 42 92 36 et une adresse mail qui est k6 42@riseup.net. Donc ça, c'est un moyen de nous contacter. Et on peut, par téléphone, donner des conseils juridiques ou proposer de se rencontrer. Avant le couvre-feu, on avait aussi une permanence par mois à l'Amicale du Crédroc, qui du coup n'est pas maintenue en ce moment, quoi. Voilà. Parce qu'elle était à 18h et que en plein couvre-feu. Voilà. Et du coup, le téléphone, il est actif 24 sur 24, quoi. Vous relevez les messages. Ouais. On répond texto, sur signal aussi, et appel, c'est possible. Voilà. Trop bien. Ok, et du coup, en dehors de ça, là, du coup, il y a le Cassis, et aussi, nous, on avait envie de t'inviter aussi, parce que là, avec cette émission, et aussi, on est une émission féministe, et on avait envie un peu de causer avec toi de féministe, de féminisme anticarcéral ou antipénaliste, fonction de comment qu'on appelle ça, parce que parce qu'on sait que t'es active là-dedans et que plutôt nous c'est aussi le féminisme dans lequel on se reconnaît comme un ouragan. Est-ce que t'as envie de nous dire un petit peu vite fait en trois mots c'est quoi et pourquoi t'es là-dedans? Ouais, c'est vrai que j'ai pas dit que aussi au sein du Cassis on était quand même liés avec des personnes en prison, qu'on leur envoyait des mandats pour qu'ils puissent cantiner, c'est-à-dire manger ou se payer des cigarettes, etc. Et que là, on est un peu en lien aussi avec des personnes qui ont des soucis à la prison de la Talaudière, par exemple, par rapport au refus de soins et tout ça. C'est quand même bien en lien avec tout ce qu'on a évoqué juste avant. Et en ce qui concerne le féminisme antipénaliste ou anticarcéral, je pense que je parle du coup un peu plus en mon nom qu'au nom du Cassis, mais j'imagine que la plupart des personnes du collectif me suivent là-dedans. Je pense que, enfin, en tout cas, je me considère comme abolitionniste du système pénal. Et si le point de vue féministe il est intéressant là-dedans, c'est parce que la prison vise des personnes, donc des catégories sociales comme celles des femmes ou les catégories LGBT, et que c'est sur ces personnes-là que les violences sont les plus fortes, autant dans le système carcéral que dans le système pénal. Enfin, c'est toujours les mêmes personnes qui sont criminalisées. On a entendu tout à l'heure une personne trans qui, en essayant de se défendre, se trouve à tuer quelqu'un et du coup se retrouve en prison. Et ça, c'est des histoires qu'on entend beaucoup trop souvent et qui montrent aussi de manière hyper forte l'échec qu'est le système pénal aujourd'hui et qu'est-ce que ça peut provoquer chez certaines personnes. Et que face à cet échec flagrant, il y a peut-être, peut-être il faut chercher d'autres issues, quoi, et d'autres solidarités. Donc voilà. Fin... Ouais, que face aux violences sexistes et sexuelles, que de s'appuyer sur le système judiciaire actuel ou carcéral, en fait, que ça marche pas du tout, et qu'au contraire, ça vient rien arrêter du tout sur les violences patriarcales. Après, j'ai pas envie de pointer du doigt des personnes qui ont comme seule ressource d'aller porter plainte, parce que, enfin, on réfléchit même à comment accompagner ces personnes-là dans des dépôts de plainte, mais en fait, au moins que c'est plutôt que j'ai l'impression qu'il y a une faille, qu'il y a un gros manque dans ce qui est notre sécurité et notre protection, et que s'en remettre à la police, l'histoire montre que c'est un échec, qu'il y a des gens qui meurent en prison. Que visiblement c'est vraiment pas ce qui fonctionne, et du coup que j'ai l'impression qu'il faut qu'on trouve d'autres solutions solutions, quoi. Et pour citer juste Gwenola Ricordo encore une fois sur l'abolitionnisme pénal, elle parle d'un Elle dit que l'État, il s'appuie sur les mouvements de victimes. Et donc là, ça m'a fait penser un peu au hashtag MeToo et tout qui sortent à foison. Et même si ça visibilise une certaine parole, en fait, ce qui est mis en place aujourd'hui par l'État criminalise encore une fois toujours les mêmes personnes de catégories sociales qui n'ont pas d'autres ressources que celles de porter plainte. Et donc, par exemple, il y a des choses comme des personnes comme Marlène Schiappa qui met en place des endroits où on va pouvoir porter plainte dans les supermarchés ou des choses comme ça. Et du coup, c'est juste entretenir cette espèce de système pénal, carcéral, etc. Ou même rallonger des peines, ou même tout ce qui est bracelet électronique et tout ça. C'est juste une continuation de l'enfermement et que c'est un continuum entre tout ça. Et c'est pas souhaitable, quoi. C'est plus souhaitable, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et puis moi, j'ai l'impression que c'est aussi ça. C'est d'être en lutte contre le patriarcat. C'est aussi... ça peut pas marcher tout seul. C'est aussi être en lutte contre le racisme, contre le capitalisme, et que le système judiciaire et carcéral, c'est un système qui vient maintenir tout ça en place. Mmh. Ouais, carrément. Et qu'il y a aussi un truc de la police de bien vouloir défendre ou comment soutenir des personnes qui sont uniquement des bonnes victimes. Donc plutôt, si on est une femme blanche aisée, ça arrange bien. Est-ce que toi, t'as, du coup, parce que moi je trouve que c'est un mouvement hyper important là, d'aller porter son féminisme aussi dans un féminisme contre les prisons, est-ce que toi tu vois un peu là, des trucs qui se mettent en place, des actions, des choses qui se bougent et bon. J'ai l'impression que ça devient un peu... Oui, si, qu'il y a quand même... par exemple, je sais que dans la région, le Génépi, qui est en train de complètement se radicaliser, et propose des moments de discussion autant sur la suppression du mitard que sur le féminisme antipénaliste. Après, des manifestations à ce sujet, moi, j'en ai pas. Vous en avez ? Non. Je vous regarde. Mais... Non, mais c'était un peu aussi, j'ai l'impression qu'en préparant cette émission et en ayant les discussions, c'était aussi un peu la question de qu'on avait l'impression que c'était un discours qui avait un peu plus de visibilité en ce moment aussi, quoi, sur le féminisme contre les prisons, le féminisme anti-carcéral et que... Ouais. Moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est un truc assez nouveau pour moi. De la manière dont c'est théorisé, mais j'imagine que les gens qui le vivent depuis des années, ça existe depuis longtemps. Je sais pas, je suis pas allée chercher dans d'autres luttes féministes. Et bah, en tout cas, voilà quoi, soyons féministes et contre toutes les prisons. C'est ça. Ouais, merci pour que tu es venue. Ouais. C'était super. Et peut-être un petit rappel aussi. Bon, déjà, je voulais redire un truc parce qu'on a déjà écouté dans, je ne sais plus quelle interview, mais une moyen aussi de lutter ou montre la solidarité ou je ne sais pas comment dire. C'est ça aussi d'écrire aux prisonniers. Et même si vous n'avez pas des proches aux prisons, il y a, si c'est dans l'envolée où il y a des adresses qui circulent, des adresses à qui on peut écrire, parce que c'est toujours un truc bien à faire, quoi, pour lutter contre la solitude et ouais, pour avoir des échanges et tout ça. Et aussi, l'autre appel pour dimanche, le 15h. Dimanche 21 mars. 21 mars à 15h. Place Jean Jaurès. À Saint-Étienne. Voilà, la marche, ou plutôt la manif contre l'islamophobie et le racisme. Et contre les lois dites de séparatisme. Voilà. On continue en duo comme ça. Ça marche pas mal. Oui. Et voilà, non, c'est tout. On s'écoute un dernier petit morceau, ou c'est ça, non ? Voilà, tu veux encore dire quelque chose ? Non. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Et À dans 15 jours pour une rediffusion et à dans un mois pour un nouveau direct de Comme un ouragan. Voilà. Oui, ma gâtée, donna sur la moto. Bien sûr, je vais les choquer. J'ai l'accent de ma ville sur le Pradel, cigarillo. Je vais te baisser. descendre. Carignan, je vais te descendre. Putain, où t'étais quand j'étais solo? Tu m'appelais le sang, hein? Tu veux nous faire la guerre? Par Dieu, t'es cuit. J'prends de la conduite, on est des bonnies. Qu'est-ce que t'as pas compris? Tu veux faire un feat, quoi? Tu veux m'arnaquer, ou? C'est Marseille, bébé. J'peux pas t'aider, ou? Wesh, alors les meufs, tranquille ou quoi? Grimpe dans la côte, en zone, on a tous les droits. Paralysé, j'vais les blesser, j'l'attrape, c'est sûr, j'ai localisé. J'ai jeté la bague à Chiquito, 2 heures après, j'l'ai blacklisté. T'es un petit mytho, j'ai prêché le faux, j'ai la vérité. J'suis la capitaine, j'vais les idaniser. Paris, ma capitale, c'est Marseille, bébé. 1-3, j'ai pas tort, number one, j'le crie plus fort. Nique ton père sur la canne bière, nique tes morts, te jette au vieux port. Au vieux port, je suis à la Zantac, ça m'appelle pour kicker. Oublie-moi si tes bails sont pétés. Je suis ailleurs, j'ai trop de bises à gérer. Depuis tout à l'heure que je nique des briquets, je cavale trop, je suis picao. J'ai mes girls qui bicravent au cas où. Là c'est chaud avec mes dem. Toujours là, demande à l'ISO. Je suis dans le game, y'a rien à faire, je m'embête. Je foque les traites qui parlent de moi sur net. Je suis dans le son depuis longtemps, faut que je pète. Au fait, si je pète que du liquide, pas check. Pour toquer pas ça, tu t'attendais pas. Ratata, que mes go soient là. Par mal de la team. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée. Pisé par les banalisés. Hasta luego, faisant 1. Hasta luego, faisant 2. Hasta luego, faisant 3. C'est du 24 carats. J'rappe depuis l'époque de Dora. La technique, le flow de malade. Sur le KTM, je me balade. T'es Max Cascara, il fait ta folle à cash. Marrage, j'fume que de la frappe imparable. Moi, j'suis sympa de mascara. J'traîne qu'avec le S. T'es qu'un fils de baratouin. J'ai commencé le rap, j'avais même pas one. Et maintenant rien que je te pointe. Yo, je vise leur c'est l'usine. J'ferais mieux de rester assise. J'vais les 100 pas et j'bois un coup. J'roule la balle jusqu'à Conjun. J'ai pas le temps là, je suis maman, j'cavale trop, je survolte. Je connais bien l'animal de mon département. N'imagine pas que je serai ta go. Et ça fait Zumba, café, café, carnaval. J'suis avec fit 24, t'arrêtes à piste, c'est pas banal. Et ça fait Zumba, café. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée. Visé par les banalisés. Hasta luego, faisant 1. Hasta luego, faisant 2. Hasta luego, faisant 3. Les gars sont médias, les femmes pas de gars. On fait coup d'état, trace de là, c'était pas local. Pour vivre pas 22, c'est rien, fait la queue. Des terres pilons majestiques, à terre sanglante, c'est classique. Moi, Chiquita. J'suis une meuf qu'on quitte pas. Trafic, pas d'armes. Marseille, on trouve des madames. Marseille dans l'âme. Si t'aimes pas, j'te dis salam. Mimi, j'milite comme Mélanie. C'est le premier son, c'est pas fini. Ya, yeah, ne me parle plus d'amis. Ya, yeah, on est devenus ennemis. Ya, yeah, j'ai la tête pleine, tu me suis. Veux me canner, veux m'enculer, mais c'est pas pour cette nuit. Ya, yeah, comportement, je déconne. Ya, yeah, j'm'emporte avec les hommes. Ya, yeah, t'as bugué sur mes formes. Forme, tu me niques, t'en fais des tonnes. Car t'es mauvais. Au lit, en plus, t'es mauvais. Ton coup de rein est claqué. Tu vois pas que tu me sautes, oh oh. T'as j'ai pas mais que tu loues, oh oh, oh oh oh. Wesh, on est trop déter, tout ce qu'on veut c'est sortir de la dèche. J'suis dans le sens, c'est dur mais j'garde la pêche. Moi j'ai pas de sentiment, quand j'vois ton vice, des idées me hantent. Toi tu me prends pour une conne, en moins de deux j't'ai bloqué de mon phone. Pétard, joint de bœuf, j'suis parano, j'vois dans ton jeu. Autour de moi y'a que des traîtres, y'a toujours un pour te mettre en feu. Tous les rageux, je m'en fiche. Moi j'ai un dent et je m'en fous, je l'affiche. Y'a que des frères, des frères, des frères. Vous êtes pas la série à Merlich. Ils se prennent tous pour des vents. La maison, pas un que des. Y'a sur l'instru, on fait cas. Là j'en ai trop loin de chez